Ça a pris des proportions incroyables, cette histoire-là de prière. Vous l'avez souligné tantôt, Monsieur Tremblay. Est-ce que vous pensez que derrière ça, il n'y a pas un autre débat, une autre affaire plus gros? Dans le fond, le débat sur la prière, puis les gens qui vous demandent d'être plus mou, puis de faire des compromis, est-ce qu'il n'y a pas là-dedans tout le problème de ce que certains appellent l'auto-flagellation des Occidentaux? On dirait qu'on n'est plus fiers de nos valeurs judéo-chrétiennes. Tout ce qui est blanc, tout ce qui est catholique, tout ce qui est un peu traditionnel, on n'aime pas ça, alors qu'il faut être ouvert à tous les idées venant d'ailleurs. Moi, j'en remarque ça, là. Les gens capotent dès que quelqu'un arrive dans les médias. Si c'est un bouddhiste, si c'est un tibétain, s'il y a une religion New Age, les gens capotent. Ils ont le droit, là. Moi, je pense qu'il faut être ouvert aux idées d'ailleurs. Mais tu peux être ouvert à ce qui se passe ailleurs, tout en étant fier de ce que tu es et de ton passé. Moi, je pense que derrière le débat sur la prière, c'est un peu tout ce débat-là qu'on a fait au Québec. Oui, vous avez, je pense, exactement comme vous. Prenez le Dalai Lama, là. Ouais. Et je vois pas quelqu'un qui viendrait dire que ce qu'il dit n'a pas de bon sens. Et tu dirais pas ça, parce que tu sais, je le vois arriver dans sa grande robe qui n'a pas d'allure tant qu'à moi, mais il a le doigt. Ouais. Il arrive dans ça, puis là, il prêche des choses qui sont très belles, je l'écoute. Ce qu'il dit, c'est moi, je trouve ça beau, là, mais même si je trouvais pas ça beau, il a le doigt de le dire pareil, en autant qu'il prêche pas la haine, c'est ça. Chose, là. Mais c'est tout le contraire, là, il prêche des belles choses qui sont pas... C'est pas du tout d'ailleurs, c'est même pas une religion, c'est une philosophie. Mais il reste que c'est très beau ce qu'il dit. Ben pourquoi il n'aurait pas le droit de le dire? Pourquoi les gens n'auraient pas le droit de l'écouter? Pourquoi chacun a son idée? C'est majoritaire. Tout ce qui est majoritaire est mal vu. Vous avez raison. Mais moi, je remarque la même chose à propos des traditions amérindiennes. Moi, j'ai rien contre ça. Je m'intéresse à ça. J'aime ça. Mais je remarque que les Amérindiens, par exemple, cérémonie d'ouverture du 400e, tu peux faire des cérémonies spiritualité autochtones. Tout le monde trouve ça in, trouve ça cool, parce que ça vient d'ailleurs, c'est une minorité. Mais si jamais l'archevêque de Québec était monté sur scène pour faire une bénédiction à l'ouverture du 400e ou d'un événement comme ça, il y aurait eu scandale. Les gens auraient dit, ça n'a pas d'affaire là, que c'est qu'un curé vient faire sa scène. Mais si un Amérindien, avec son calumet, vient danser autour d'un totem, on trouve tout ça in. Je comprends pas ça, moi. Vous avez tellement raison, c'est exactement ça. Mais je suis pas d'accord, moi, parce que les Amérindiens, c'est comme si c'était un spectacle, on se l'approprie pas, puis la religion, le danger, c'est qu'on l'a vraiment jeté rapidement, puis les gens ont l'impression comme de revenir en arrière. Comparer les Amérindiens avec la religion, je trouve que c'est un peu boiteux. Ah, mais c'est une spiritualité, les Autochtones. Oui, mais pour le 400e, c'est un spectacle. Ben, je peux t'en faire un spectacle, moi, catholique, n'importe quand. Il y a aussi des rites dans la religion. L'évêque vient faire une bénédiction. Moi, je trouve ça très beau. Pourquoi se scandaliser? Je fais mon signe de croix. Vous allez me dire à qui ça fait mal, ça. Je fais un signe de croix avant de commencer mon assemblée. Tous les conseillers font un signe de croix. Aux États-Unis, chaque fois qu'il y a un artiste qui gagne un prix, là, c'est toujours « Thank God ben ». Oui. Puis personne s'en affiche. Le président américain, qu'il soit démocrate ou républicain, dans ses discours, fait souvent référence à Dieu, alors qu'on sait que s'il y a un peuple aux États-Unis où il y a toutes sortes de religions, c'est bien là, et elles s'expriment librement. Mais le président américain n'a pas honte de ses racines, de ses traditions. D'ailleurs, sur le dollar américain, c'est écrit « God we trust ». Verrais-tu ça, Pauline Marois, faire ça? C'est notre culture, nos racines sont religieuses. Oui. C'est notre culture. La langue, ça suffit pas. C'est beau d'avoir une langue distincte, c'est extraordinaire. Mais ça ne suffit pas. Il n'y a pas une civilisation qui s'est bâtie sur une langue seulement. Ça se bâtit sur une culture, sur des croyances, tout ça. Nous, on a tout pris ça, on a mis ça à la poubelle. Mais on veut se séparer du Canada, puis on veut avoir notre propre pays. Mais un pays sans culture. Les humoristes, moi, je les trouve drôles, puis j'aime bien ça. Mais ça, c'est pas le fondement d'une culture, ça. C'est rendu qu'ils nous montrent ça comme la culture du Québec, c'est des humoristes. Ben, moi, je pense que des humoristes, ça a sa place, c'est correct. Mais c'est pas vrai que c'est ça, notre culture québécoise. Donc, c'est ça, ça serait le temps qu'on y pense, là. Ça fait ça. Assez profond, là, comme culture. Hey, merci beaucoup de nous avoir parlé, M. Tremblay. Je sais que vous êtes très occupé. Je sais pas combien d'entrevues vous avez données jusqu'à maintenant, là. Je sais pas si vous en avez une idée. Je les ai pas comptés, mais hier, ça a été sans arrêt. Alors, je sais que ça n'arrête pas aussi aujourd'hui. Merci de nous avoir parlé ce matin. Merci, bonjour. Bonne journée. Jean Tremblay, maire de Saguenay, qui n'a toujours pas la langue dans sa poche. Et qui, moi, j'aime ça, on dirait que les gens, ils prennent juste une partie de son discours quand il dit qu'il croit en Dieu, puis qu'il est catholique, là, les gens capotent là-dessus, mais il faut aussi l'écouter quand il dit que il en parle pas, ça, à l'hôtel de ville, il l'exige pas de personne d'autre, et il ne l'impose pas. Je sais pas si vous le voyez, l'immense fossé. Moi, quand les gens me disent que Jean Tremblay, c'est un extrémiste, au même titre qu'il y a des extrémistes musulmans... Mais non, voyons, voyons. Hé, hey, là, moi, me fâcher. Mais là. Non. Les extrémistes musulmans, pas tous les musulmans, je salue tous les modérés qui sont à Québec, pas là-dedans, mais les extrémistes veulent nous imposer leur religion. Si on ne se prosterne pas devant Allah, ils veulent nous tuer. Jean Tremblay, oui, parle souvent de sa religion, il en est fier de ça, mais il veut l'imposer à personne. Tu peux être un conseiller municipal, travailler avec lui, citoyen, ça ne dérange pas. Mais il refuse de se cacher. Il refuse d'avoir honte de son passé et de ses traditions. Et ça, au Québec, ça ne correspond pas au modèle. Le modèle, le bon petit Québécois, pas de colonne, mou, accepte tout ce qui vient d'ailleurs, tout ce qui est étranger, et tout ce qui est Québécois de racine, c'est mal. Lui, il est contre ça. Et il y a mis dindan d'Anne-Marie Dussault. Madame Dussault, écoutez-moi, c'est moi que vous interviewez, là. Savez-vous ce que je reproche aux gens, aux Québécois, ouais. dans certains Québécois, c'est d'être comme vous, d'être plieuse tout le temps, puis de faire des compromis tout le temps. Je reproche justement à certains Québécois d'être exactement comme vous. Vous prêchez exactement ce que je reproche à certains Québécois. Ils sont trop mous. Il a raison. Et cette mollesse-là va souvent s'exprimer par une espèce d'enchantement, une ouverture totale devant toutes les coutumes étrangères, tout ce qui vient d'ailleurs, même si c'est un couteau à l'école, même si c'est des affaires un peu bizarres, faut se fermer la gueule puis l'accepter. Or, tout ce qui vient de nous est fondamentalement mal, il faut en avoir honte, puis ça, c'est... Regarde. 7h57, je pense que c'est le débat, si c'était juste sur la prière au conseil municipal, n'aurait pas mérité autant d'attention. Les gens qui vont dire c'est exagéré, qu'est-ce que ça change? Mais le débat est quand même pas inintéressant, parce que c'est la défense de nos valeurs, je pense, qui est derrière ça. Si vous avez de quoi ajouter, 670-9330 ou studio@commercialfm93.com.